Hace millones de años que existe un planeta con vida llamado Tierra. Ahora lo estamos contaminando. Reciclemos para que dure otro millón de años más. Libro del mundo de Marín, que no existe un planeta de Marín y se ha apretado. Número 1. Mira tu luz. Que es un nuevo ciclar porque el bebé de tu mundo de Marín. Nous devons aider à la Terre pour avoir un monde meilleur. La Tierra es una creación maravillosa y por ello debemos de cuidarla y no contaminar lo menos posible. Salvemos la Tierra. La Terre est une création maravillosa que nous devons prendre soin et ne pas polluer plus. Subons la Terre. La Tierra no es del hombre, el hombre es de la Tierra. La Terre n'est pas de l'homme, l'homme est de la Terre. Quand le dernier œuvre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors seulement vous apercevez que l'argent ne se mange pas. La terre n'est pas un jouet, c'est la scène de notre vie. Nous devons la remercier pour chaque pas comme elle le mérite. La tierra no es un juguete, es el escenario de nuestra vida. Debemos agradecérselo por cada paso como ella se merece. La tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra. La terre, ce n'est pas de l'homme, l'homme est de la terre. No hay pasajeros en la nave espacial Tierra, todos somos tripulantes. Il n'y a pas de passagers dans la vaisseau spatial Terre, tous sommes membres. Si tiempo cumple la Terre, Tipe Recicle TDC. Para cuidar nuestro planeta debemos Han Chuan de la Terre, un dúo. Ahorrar agua, economizar leo, desenchufar electrodoméstico, debrancher les appareils, usar papel reciclado, utilizar tu papel reciclé, consumir alimentos ecológicos, manger les aliments biologiques. Para cuidar nuestro planeta, entre otras cosas, hay que regular el consumo diario de electricidad, no gastar mucha agua, coger más la bicicleta que el coche, no tirar cosas al suelo. Pour soigner notre planète, entre d'autres choses, il faut faire régulier la consommation quotidienne de l'électricité, ne consommer pas beaucoup d'eau, monter plus dans la vélo que dans la voiture, ne jeter pas choses à la terre. Produit une grande tristesse, pense que la nature parle, plein que l'humain n'écoute pas.